Elle s'élança hors de la chambre, se jeta au bas de l'escalier et se mit à battre les murailles avec sa tête en criant « Mon enfant ! Qui a mon enfant ? Qui a pris mon enfant ?» La rue était déserte, la maison isolée, personne ne put lui rien dire. Elle alla par la ville, elle fureta à toutes les rues, courut çà et là la journée entière, folle, égarée, terrible, flairant aux portes et aux fenêtres comme une bête farouche qui a perdu ses petits. Elle était haletante, échevelée, effrayante à voir. Elle avait dans les yeux un feu qui séchait ses larmes. Elle arrêtait les passants et criait « ma fille, ma jolie petite fille ! Celui qui me rendra ma fille, je serai sa servante, la servante de son chien, et il me mangera le cœur s'il veut !» Elle rencontra monsieur le curé de Saint-Rémy et lui dit « Monsieur le curé, je labourerai la terre avec mes ongles, mais rendez-moi mon enfant !» C'était déchirant, Oudarde. Et j'ai vu un homme bien dur, maître Ponce la Cabre, le procureur, qui pleurait. Ah, la pauvre mère! Le soir, elle rentra chez elle. Pendant son absence, une voisine avait vu deux Égyptiennes y monter en cachette, avec un paquet dans leurs bras, puis redescendre après avoir refermé la porte et s'enfuir en hâte. Depuis leur départ, on entendait chez Paquette des espèces de cris d'enfants. La mère rit aux éclats, monta l'escalier comme avec des ailes, enfonça sa porte comme avec un canon d'artillerie. Une chose affreuse, Oudarde. Au lieu de sa gentille petite Agnès, si vermeille et si fraîche, qui était un don du bon Dieu, une façon de petit monstre, hideux, boiteux, borgne, contrefait, se traînait en piaillant sur le carreau. Elle cacha ses yeux avec horreur. « Oh ! Dit-elle, est-ce que les sorcières auraient métamorphosé ma fille en cet animal effroyable ?» On se hâta d'emporter le petit pied beau. Il l'aurait rendue folle. C'était un monstrueux enfant de quelque égyptienne donnée au diable. Il paraissait avoir 4 ans environ et parlait une langue qui n'était point une langue humaine. C'était des mots qui ne sont pas possibles. La Chantefleurie s'était jetée sur le petit soulier, tout ce qui lui restait de tout ce qu'elle avait aimé. Elle y demeura si longtemps immobile, muette, sans souffle, qu'on crut qu'elle y était morte. Tout à coup, elle trembla de tout son corps, couvrit sa relique de baisers furieux et se dégorgea en sanglots, comme si son cœur venait de crever. Je vous assure que nous pleurions toutes aussi. Elle disait « Oh, ma petite fille, ma jolie petite fille, où es-tu ? » Et cela vous tordait les entrailles. Je pleure encore d'y songer. Nos enfants, voyez-vous, c'est la moelle de nos os. Oh, mon pauvre Eustache, tu es si beau, toi. Si vous saviez comme il est gentil. Hier, il me disait, je veux être gendarme, moi. Oh, mon Eustache, si je te perdais. La Chantefleurie se leva tout à coup et se mit à courir dans Reims en criant « Au camp des Égyptiens, au camp des Égyptiens ! Des sergents pour brûler les sorcières !» Les Égyptiens étaient partis. Il faisait nuit noire. On ne put les poursuivre. Le lendemain, à 2 lieues de Reims, dans une bruyère entre Gueux et Tillois, on trouva les restes d'un grand feu, quelques rubans qui avaient appartenu à l'enfant de Paquette, des gouttes de sang et des crottins de bouc. La nuit qui venait de s'écouler était précisément celle d'un samedi. On ne douta plus que les Égyptiens n'eussent fait le sabbat dans cette bruyère et qu'ils n'eussent dévoré l'enfant en compagnie de Belzébuth, comme cela se pratique chez les Mahométans. Quand la Chantefleurie apprit ces choses horribles, elle ne pleura pas. Elle remua les lèvres comme pour parler, mais ne put. Le lendemain, ses cheveux étaient gris. Le surlendemain, elle avait disparu. Voilà en effet une effroyable histoire, dit Oudarde, et qui ferait pleurer un bourguignon. Je ne m'étonne plus, ajouta Gervaise, que la peur des Égyptiens vous talonne si fort. Et vous avez d'autant mieux fait, reprit Oudarde, de vous sauver tout à l'heure avec votre Eustache, que ceux-ci aussi sont des Égyptiens de Pologne. Non pas, dit Gervaise, On dit qu'ils viennent d'Espagne et de Catalogne. Catalogne ? C'est possible, répondit Oudarde. Pologne, Catalogne, Valogne, je confonds toujours ces trois provinces-là. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des Égyptiens. Et qui ont certainement, ajouta Gervaise, des dents assez longues pour manger des petits enfants. Et je ne serais pas surprise que la Smeralda en mangeât aussi un peu, tout en faisant la petite bouche. Sa chèvre blanche a des tours fort malicieux pour qu'il n'y ait pas quelque libertinage là-dessous. Mayette marchait silencieusement. Elle était absorbée dans cette rêverie qui est en quelque sorte le prolongement d'un récit douloureux et qui ne s'arrête qu'après en avoir propagé l'ébranlement, de vibration en vibration, jusqu'aux dernières fibres du cœur. Cependant, Gervaise lui adressa la parole. « Et l'on a pu savoir ce qu'est devenu la chante fleurie ?» Mayette ne répondit pas. Gervaise répéta sa question, en lui secouant le bras et en l'appelant par son nom. Mayette parut se réveiller de ses pensées. « Ce qu'est devenu la chante fleurie ?» dit-elle en répétant machinalement les paroles dont l'impression était toute fraîche dans son oreille, puis faisant effort pour ramener son attention au sens de ses paroles. « Ah ! » reprit-elle vivement, « on ne l'a jamais su. » Et elle ajouta après une pause, « Les uns ont dit l'avoir vue sortir de Reims à la Brune par la porte Fléchambeau, les autres au point du jour par la vieille porte Bazée. Un pauvre a trouvé sa croix d'or accrochée à la croix de pierre dans la culture où se fait la foire. C'est ce joyau qu'il avait perdu en 61. C'était un don du beau vicomte de Cormontreuil, son premier amant. Paquette n'avait jamais voulu s'en défaire, si misérable qu'elle eût été. Elle y tenait comme à la vie. Aussi, quand nous vîmes l'abandon de cette croix, nous pensâmes toutes qu'elle était morte. Cependant, il y a des gens du cabaret Les Ventes qui dirent l'avoir vue passer sur le chemin de Paris, marchant pieds nus sur les cailloux. Mais il faudrait alors qu'elle fût sortie par la porte de Velle. Et tout cela n'est pas d'accord. Ou pour mieux dire, je crois bien qu'elle est sortie en effet par la porte de Velle. Mais sortie de ce monde. Je ne vous comprends pas, dit Gervaise. La Velle, répondit Mayette avec un sourire mélancolique, c'est la rivière. Pauvre chante fleurie, dit Oudarde en frissonnant, noyée. Noyée, reprit Mayette. Et qui eût dit au bon père Guiberteau quand il passait sous le pont de Tinqueux, au fil de l'eau, en chantant dans sa barque, qu'un jour sa chère petite Paquette passerait aussi sous ce pont-là, mais sans chanson et sans bateau. Et le petit soulier ? Demanda Gervaise. Disparu avec la mère, répondit Mayette. Pauvre petit soulier, dit Oudarde. Oudarde, grosse et sensible femme, se serait fort bien satisfaite à soupirer de compagnie avec Mayette. Mais Gervaise, plus curieuse, n'était pas au bout de ses questions. Et le monstre ? Dit-elle tout à coup à Mayette. Quel monstre ? Demanda celle-ci. Le petit monstre égyptien laissé par les sorcières chez la chante fleurie en échange de sa fille. Qu'en avez-vous fait ? J'espère bien que vous l'avez noyé aussi. Non pas, répondit Mayette. Comment ? Brûler alors ? Au fait, c'est plus juste. Un enfant sorcier ? Ni l'un ni l'autre, Gervaise. Monsieur l'archevêque s'est intéressé à l'enfant d'Égypte, l'a exorcisé, l'a béni, lui a ôté bien soigneusement le diable du corps. Et l'a envoyé à Paris pour être exposé sur le lit de bois à Notre-Dame, comme enfant trouvé. Ces évêques, dit Gervaise en grommelant, parce qu'ils sont savants, ils ne font rien comme les autres. Je vous demande un peu, Oudarde, mettre le diable aux enfants trouvés, car c'était bien sur le diable que ce petit monstre. Eh bien, Mayette, qu'est-ce qu'on en a fait à Paris ? Je compte bien que pas une personne charitable n'en a voulu. Je ne sais pas, répondit la rémoise. C'est justement dans ce temps-là que mon mari a acheté le tabellionnage de Béru, à 2 lieues de la ville, et nous ne nous sommes plus occupés de cette histoire. avec ce lac devant Béru, il y a les deux buttes de Cernay qui vous font perdre de vue les clochers de la cathédrale de Reims. Tout en parlant ainsi, les trois dignes bourgeoises étaient arrivées à la place de Grève. Dans leur préoccupation, elles avaient passé sans s'y arrêter devant le bréviaire public de la tour Roland et se dirigeaient machinalement vers le pilori autour duquel la foule grossissait à chaque instant. Il est probable que le spectacle qui y attirait en ce moment tous les regards leur eût fait complètement oublier le trou aux rats et la station qu'elles s'étaient proposé d'y faire. Si le gros Eustache de 6 ans, que Mahiette traînait à sa main, ne leur en eût rappelé brusquement l'objet. « Mère !» dit-il, comme si quelque instinct l'avertissait que le trou aux rats était derrière lui. « À présent, puis-je manger le gâteau ?» Si Eustache eût été plus adroit, c'est-à-dire moins gourmand, il aurait encore attendu, et ce n'est qu'au retour dans l'université, au logis chez maître André Musnier, rue Madame Lavalance. Lorsqu'il y aurait eu les deux bras de la Seine et les 5 ponts de la cité entre le trou aux rats et la galette, qu'il eût hasardé cette question timide. « Mère, à présent, puis-je manger le gâteau ?» Cette même question imprudente au moment où Eustache la fit réveilla l'attention de Mahiette. « À propos, s'écria-t-elle, nous oublions la recluse. Montrez-moi donc votre trou aux rats que je lui porte son gâteau. » « Tout de suite, dit Oudarde. « C'est une charité. » Ce n'était pas là le comte d'Eustache. « Tiens, ma galette » dit-il en heurtant alternativement ses deux épaules de ses deux oreilles, ce qui est en pareil cas le signe suprême du mécontentement. Les trois femmes revinrent sur leurs pas, et, arrivées près de la maison de la tour Roland, Oudarde dit aux deux autres « Il ne faut pas regarder toutes les trois à la fois dans le trou, de peur d'effaroucher la sachette. Faites semblant, vous deux, de lire Dominos dans le bréviaire pendant que je mettrai le nez à la lucarne. La sachette me connaît un peu. Je vous avertirai quand vous pourrez venir. » Elle alla seule à la lucarne. Au moment où sa vue y pénétra, une profonde pitié se peignit sur tous ses traits et sa gaie et franche physionomie changea aussi brusquement d'expression et de couleur que si elle eût passé d'un rayon de soleil à un rayon de lune. Son œil devint humide, sa bouche se contracta, comme lorsqu'on va pleurer. Un moment après, elle mit un doigt sur ses lèvres et fit signe à Mahiette de venir voir. Mahiette vint, émue, en silence, et sur la pointe des pieds, comme lorsqu'on approche du lit d'un mourant. C'était en effet un triste spectacle que celui qui s'offrait aux yeux des deux femmes, pendant qu'elles regardaient sans bouger ni souffler à la lucarne grillée du trou aux rats. La cellule était étroite, plus large que profonde, voûtée en ogive, et vue à l'intérieur, ressemblait assez à l'alvéole d'une grande mitre d'évêque. Sur la dalle nue qui en formait le sol, dans un angle, une femme était assise, ou plutôt accroupie. Son menton était appuyé sur ses genoux, que ses deux bras croisés serraient fortement contre sa poitrine. Ainsi ramassée sur elle-même, vêtue d'un sac brun qui l'enveloppait tout entière à larges plis, ses longs cheveux gris rabattus par devant, tombant sur son visage, le long de ses jambes, jusqu'à ses pieds, elle ne présentait au premier aspect qu'une forme étrange, découpée sur le fond ténébreux de la cellule, une espèce de triangle noirâtre que le rayon de jour venant de la lucarne tranchait crûment entre deux nuances, l'une sombre, l'autre éclairée. C'était un de ces spectres mi-partis d'ombre et de lumière, comme on en voit dans les rêves et dans l'œuvre extraordinaire de Goya. Pâle, immobile, sinistre, accroupi sur une tombe ou adossé à la grille d'un cachot. Ce n'était ni une femme, ni un homme, ni un être vivant, ni une forme définie. C'était une figure, une sorte de vision sur laquelle s'entrecoupaient le réel et le fantastique, comme l'ombre et le jour. À peine sous ses cheveux répandus jusqu'à terre, distinguait-on un profil amaigri et sévère. À peine sa robe laissait-elle passer l'extrémité d'un pied nu qui se crispait sur le pavé rigide et gelé. Le peu de forme humaine qu'on entrevoyait sous cette enveloppe de deuil faisait frissonner. Cette figure qu'on eût crue scellée dans la dalle paraissait n'avoir ni mouvement, ni pensée, ni haleine. Sous ce mince sac de toile, en janvier, gisant à nu sur un pavé de granit, sans feu, dans l'ombre d'un cachot, dont le soupirail oblique ne laissait arriver du dehors que la bise et jamais le soleil, elle ne semblait pas souffrir, pas même sentir. On eût dit qu'elle s'était faite pierre avec le cachot, glace avec la saison. Ses mains étaient jointes, ses yeux étaient fixes. À la première vue, on la prenait pour un spectre, à la seconde, pour une statue. Cependant, par intervalle, ses lèvres bleues s'entr'ouvraient à un souffle et tremblaient, mais aussi mortes et aussi machinales que des feuilles qui s'écartent au vent. Cependant, de ses yeux mornes s'échappait un regard ineffable, un regard profond, lugubre, imperturbable, incessamment fixé à un angle de la cellule qu'on ne pouvait voir du dehors, un regard qui semblait rattacher toutes les sombres pensées de cette âme en détresse à je ne sais quel objet mystérieux. Telle était la créature qui recevait de son habitacle le nom de recluse et de son vêtement le nom de sachette. Les trois femmes, car Gervaise s'était réunie à Mayette et à Oudarde, regardaient par la lucarne. Leur tête interceptait le faible jour du cachot sans que la misérable qu'elles en privaient ainsi parût faire attention à elles. « Ne la troublons pas, » dit Oudarde à voix basse. « Elle est dans son extase et le prie. » Cependant, Mayette considérait avec une anxiété toujours croissante cette tête hâve, flétrie, échevelée, et ses yeux se remplissaient de larmes. « Voilà qui serait bien singulier, » murmurait-elle. Elle passa sa tête à travers les barreaux du soupirail et parvint à faire arriver son regard jusque dans l'angle où le regard de la malheureuse était invariablement attaché. Quand elle retira sa tête de la lucarne, son visage était inondé de larmes. « Comment appelez-vous cette femme ? » demanda-t-elle à Oudarde. Oudarde répondit « Nous la nommons sœur Gudule. »« Et moi, » reprit Mayette, « je l'appelle Paquette la Chante Fleurie. » Alors, mettant un doigt sur sa bouche, elle fit signe à Oudarde stupéfaite de passer sa tête par la lucarne et de regarder. Oudarde regarda et vit dans l'angle où l'œil de la recluse était fixé avec cette sombre extase un petit soulier de satin rose brodé de 1000 passequilles d'or et d'argent. Gervaise regarda après Oudarde et alors les trois femmes considérant la malheureuse mère se mirent à pleurer. Ni leurs regards, cependant, ni leurs larmes n'avaient distrait la recluse. Ses mains restaient jointes, ses lèvres muettes, ses yeux fixes. Et pour qui savait son histoire, ce petit soulier regardé ainsi fendait le cœur. Les trois femmes n'avaient pas encore proféré une parole. Elles n'osaient parler, même à voix basse. Ce grand silence, cette grande douleur, ce grand oubli, où tout avait disparu, or une chose, leur faisait l'effet d'un maître-autel de Pâques ou de Noël. Elles se taisaient, elles se recueillaient, elles étaient prêtes à s'agenouiller. Il leur semblait qu'elles venaient d'entrer dans une église, le jour de ténèbres. Enfin Gervaise, la plus curieuse des trois, et par conséquent la moins sensible, essaya de faire parler la recluse. « Sœur, sœur Gudule !» Elle répéta cet appel jusqu'à trois fois, en haussant la voix à chaque fois. La recluse ne bougea pas, pas un mot, pas un regard, pas un soupir, pas un signe de vie. Oudarde, à son tour, d'une voix plus douce et plus caressante. « Sœur, » dit-elle, « sœur sainte Gudule !» Même silence, même immobilité. « Une singulière femme, » s'écria Gervaise, « et qui ne serait pas émue d'une bombarde. » Elle est peut-être sourde, dit Oudarde en soupirant. Peut-être aveugle, ajouta Gervaise. Peut-être morte, reprit Mayette. Il est certain que si l'âme n'avait pas encore quitté ce corps, inerte, endormie, léthargique, du moins s'y était-elle retirée et cachée à des profondeurs où les perceptions des organes extérieurs n'arrivaient plus. Il faudra donc, dit Oudarde, laisser le gâteau sur la lucarne. Quelque fils le prendra. Comment faire pour la réveiller? Eustache, qui jusqu'à ce moment avait été distrait par une petite voiture traînée par un gros chien, laquelle venait de passer, s'aperçut tout à coup que ses trois conductrices regardaient quelque chose à la lucarne. Et la curiosité le prenant à son tour, il monta sur une borne, se dressa sur la pointe des pieds et appliqua son gros visage vermeil à l'ouverture en criant « Mère, voyons donc que je vois !» À cette voix d'enfant, claire, fraîche, sonore, la recluse tressaillit. Elle tourna la tête avec le mouvement sec, brusque, d'un ressort d'acier. Ses deux longues mains décharnées vinrent écarter ses cheveux sur son front, et elle fixa sur l'enfant des yeux étonnés, amers, désespérés. Ce regard ne fut qu'un éclair. « Oh mon Dieu ! » cria-t-elle tout à coup, en cachant sa tête dans ses genoux. Et il semblait que sa voix rauque déchirait sa poitrine en passant. « Au moins, ne me montrez pas ceux des autres !»« Bonjour, madame !» dit l'enfant avec gravité. Cependant, cette secousse avait pour ainsi dire réveillé la recluse. Un long frisson parcourut tout son corps de la tête aux pieds. Ses dents claquèrent. Elle releva à demi sa tête et dit en serrant ses coudes contre ses hanches et en prenant ses pieds dans ses mains comme pour les réchauffer « Oh, le grand froid !»« Pauvre femme !» dit Oudarde en grande pitié. « Voulez-vous un peu de feu ?» Elle secoua la tête en signe de refus. « Eh bien, » reprit Oudarde en lui présentant un flacon, « voici de l'hypocras qui vous réchauffera, buvez !» Elle secoua de nouveau la tête, regarda Oudarde fixement et répondit « De l'eau !» Oudarde insista. « Non, sœur, ce n'est pas là une boisson de janvier. Il faut boire un peu d'hypocras et manger cette galette au levain de maïs que nous avons cuite pour vous. » Elle repoussa le gâteau que Mahiette lui présentait et dit « Du pain noir !» « Allons, » dit Gervaise, prise à son tour de charité et défaisant son roquet de laine. « Voici un surtout, un peu plus chaud que le vôtre. Mettez ceci sur vos épaules. » Elle refusa le surtout, comme le flacon et le gâteau, et répondit « Un sac !»« Mais il faut bien, » reprit la bonne Oudarde, « que vous vous aperceviez un peu que c'était hier fête. » « Je m'en aperçois, » dit la recluse. « Voilà 2 jours que je n'ai plus d'eau dans ma cruche. » Elle ajouta après un silence, « C'est fête, on m'oublie, on fait bien. Pourquoi le monde songerait-il à moi, qui ne songe pas à lui? À Chardon, éteint cendre froide. » Et comme fatiguée d'en avoir tant dit, elle laissa retomber sa tête sur ses genoux. La simple et charitable Oudarde, qui crut comprendre à ses dernières paroles qu'elle se plaignait encore du froid, lui répondit naïvement, « Alors, voulez-vous un peu de feu ?»« Du feu ?» dit la sachette avec un accent étrange, « et en ferez-vous un peu à la pauvre petite qui est sous terre depuis 15 ans ?» Tous ses membres tremblèrent, sa parole vibrait, ses yeux brillaient, elle s'était levée sur les genoux, elle étendit tout à coup sa main blanche et maigre vers l'enfant qui la regardait avec un regard étonné. « Emportez cet enfant » cria-t-elle. « L'Égyptienne va passer !» Alors, elle tomba la face contre terre, et son front frappa la dalle avec le bruit d'une pierre sur une pierre. Les trois femmes la crurent morte. Un moment après, pourtant, elle remua, et elles la virent se traîner sur les genoux et sur les coudes, jusqu'à l'angle où était le petit soulier. Alors elles n'osèrent regarder. Elles ne la virent plus, mais elles entendirent 1000 baisers et 1000 soupirs mêlés à des cris déchirants et à des coups sourds comme ceux d'une tête qui heurte une muraille. Puis après un de ces coups, tellement violents qu'elles en chancelèrent toutes les trois, elles n'entendirent plus rien. « Se serait-elle tuée ?» dit Gervaise en se risquant à passer sa tête au soupirail. « Sœur, sœur Gudule, sœur Gudule !» répéta Oudarde. « Ah mon Dieu, elle ne bouge plus !» reprit Gervaise. « Est-ce qu'elle est morte ?»« Gudule, Gudule !» Mahiette, suffoquée jusque-là à ne pouvoir parler, fit un effort. « Attendez, » dit-elle, puis se penchant vers la lucarne. « Paquette, » dit-elle, « Paquette la chante fleurie !» un enfant qui souffle ingénument sur la mèche mal allumée d'un pétard et se le fait éclater dans les yeux, n'est pas plus épouvanté que ne le fut Mahiette à l'effet de ce nom brusquement lancé dans la cellule de sœur Gudule. La recluse tressaillit de tout son corps, se leva debout sur ses pieds nus et sauta à la lucarne avec des yeux si flamboyants que Mahiette et Oudarde et l'autre femme et l'enfant reculèrent jusqu'au parapet du quai. Cependant, la sinistre figure de la recluse apparut collée à la grille du soupirail. « Oh ! » cria-t-elle avec un rire effrayant. « C'est l'égyptienne qui m'appelle !» En ce moment, une scène qui se passait au pilori arrêta son œil hagard. Son front se plissa d'horreur. Elle étendit hors de sa loge ses deux bras de squelette et s'écria avec une voix qui ressemblait à un râle. « C'est donc encore toi, fille d'Égypte ! C'est toi qui m'appelles voleuse d'enfants ! Eh bien, maudite sois-tu ! Maudite ! Maudite ! Maudite !»